cours numéro 12. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. الصلاة qui sera profitable pour l'abd يوم القيامة. Et cette salat, ça sera une raha pour lui في الدنيا قبل الآخرة. Cette salat, Ibn al-Qayyim قال, هي التي تجمع ستة مشاهد. C'est cette salat qui va remplir ces six points. Ça nous montre أن faire accomplir cette salat sans faire d'effort في العلم et appliquer ces paroles de nos imams, rubbama as-salat, ça devient la routine, ça devient automatique. Falihada al-insan da'iman, il se remet en question. Ba'd as-salat, est-ce que tu as médité, qu'est-ce que tu as récité min al-Qur'an ou min al-Azkar, quel du'a tu as fait? Fa rubbama nahnu dha'f al-iman ahyanan, on fait du'a wa ma nadri, on fait du'a lianna c'est devenu, on fait peut-être le même du'a souvent et ça devient automatique. Rubbama bidoun khushu' bidoun. Et hada c'est un khata kabir. Les années elles défilent. Ou le maut il est qarib. Plus on avance, plus le maut il est qarib. On se rapproche de la mort. On doit se remettre en question. Fali hada méditer sur le Coran al-Karim et faire des efforts. Fi al-hifd wa fi al-tafsir wa fi qira'at kalam ahli al-ilm, ça t'aidera. قبل ذلك faire des efforts dans la langue arabe لان هذه الصلاه لا بد من قراءه القران en langue arabe ou l'azkar en langue arabe celui qui a le qudra bien sûr tout ça c'est en langue arabe enfin, celui qui comprend pas فربما سنين s'il fait pas d'efforts dans la langue arabe il fait pas d'efforts في العلم et des années il va réciter وهو ما يدري qu'est-ce qu'il récite et les traductions comme la ta'lamoun c'est pas nafi' comme la langue arabe. La traduction, ça ne te donnera jamais le khushu' et la concentration, il a akhiri, le recueillement que tu auras avec la langue arabe. Hada c'est muhim kadhalik, apprendre al-athkar al-warida bi sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa min asbab al-khushu' c'est de changer. Amma si on ne fait pas attention, et on donne un exemple, mathalan da'iman fi sujoud, tu fais le même dhikr al-wajib. On est alhamdulillah, obligé de le faire toujours, subhana rabbi al-a'la. Le minimum, c'est une fois à la sahih. Et si on fait plus, c'est tayyib. Thumma, as-sujoud. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'akthiru fihi min al-du'a. Ou fa'akthiru al-du'a. Ay fi sujoud. Si on fait toujours le même du'a, rubbama, ça devient automatique. Rubbama, tu sais même plus ce que tu as récité. Si tu te poses la question après salat, quel du'a j'ai fait fi sujoud, c'est devenu automatique. Surat al-Fatiha, si on ne fait pas des efforts fi ilm ou fi ta'allum ma'aniha et on revient à kalam ahli al-ilm pour comprendre cette surah al-azima, rubbama ça devient automatique. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin, ça devient automatique. Enfin, ces six points qu'il a cités Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, ils sont très très importants. On les résume avant de les détailler, inshallah, avec l'explication de Ibn al-Qayyim rahimahullah. Al-mashhad al-awwal qala al-ikhlas. Le premier point qui est essentiel fil haqiqa fi salat wa fi ghayriha, al-ikhlas, la sincérité. Pourquoi tu fais cette salat? Est-ce que tu l'as fait lillah ou tu l'as fait parce que les gens y font? Parce que celui qui l'a fait pas, rubbama il va être critiqué inda fulan et fulan, ça c'est une niya sayyi'a. Cette salat, c'est une ibada. Et on l'a fait lillahi wahda. Le deuxième point, as-sidq ou al-nusih. Et être sadiq, être véridique. Et on va voir que بعض الناس, ils ont un manque de sidq fi salatihim. Qala, al-thalith, al-mutaba'a wa l'iqtida. Cette salat, on ne la fait pas comme on veut, nahnu. Ou on suit les gens. Dans tel pays, ils font de telle façon, enfin on fait. Ou mon père, il fait de telle façon, enfin je fais comme mon père, ou mon grand-père. Ayyadun billah. صلوا كما رأيتموني أصلي. On fait comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il la faisait et comme il nous a démontré في سنته عليه الصلاة والسلام. المشهد الرابع الإحسان والمراقبة. Et ça, c'est un point très très important. أن تكون محسنا في صلاتك. والإحسان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. C'est pour ça que ابن القيم رحمة الله عليه la cite الإحسان والمراقبة. المراقبة أي اليقين. Et tu es convaincu, إيمان جازم, أن الله سبحانه وتعالى il te voit. أن الله سبحانه وتعالى il t'entend. أن الله سبحانه وتعالى il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait pourquoi tu es parti au masjid. Il sait pourquoi tu récites. Il sait pourquoi tu te prosternes. فتي مراقب. أي الله سبحانه وتعالى il sait tout et il te voit et il t'entend. فهذا المشهد, ce point, لا شك أن celui qui fait des efforts في هذا, il va progresser في في الخشوع في التدبر. الخامس المنة. إن منة من الله. النعمة عليك. صلاة الصلاة. السادس مشهد التقصير. كذلك هذا il est important. Celui qui se remet en question, da'iman, et il ne se voile pas la face, il sait qu'il est muqassir, et on est tous muqassir, que ce soit fil ilm, que ce soit fil amal, que ce soit fil mutaba'a, dans beaucoup de choses, on est muqassir, lakin celui qui sait qu'il est muqassir, il fait des efforts, et il s'écarte du kibr, et il ne se satisfait pas du peu. Ba'duhum limana, ils se précipitent dans leur salat, et ils font le minimum. Léana, il sait que de laisser la salat, c'est très grave. Ils font le minimum. J'ai fait mes 5 salats. Lakin, ha'oula, ils n'avanceront pas. Bel, rubama, s'ils ne font pas attention, ils ne sont pas sérieux, rubama, un jour, ils retardent une salat. Thumma, la semaine suivante, une deuxième. Thumma, yadam bila ba'duhum, rubama, un jour, il n'a pas fait salat. Thumma, yatoub, il se reprend. Wa hakada, il est fi sira' ma'a nafsihi wa ma'a iblis, wa yad'ouf, hatta un jour, ça devient trop difficile. Comme les gens, ils ont délaissé ce salat complètement. Ces 6 points, ils sont ignorés. Les gens, au lieu de profiter de مثل هذا الكلام, هذا الإمام الرباني ابن القيم رحمة الله عليه, au lieu de profiter de هذا الكلام, ils sont fiqil wa qal. Et les cœurs, ils durcissent. ثم في مثل هذه المواقف, que ce soit le salat, que ce soit le siyam, que ce soit le hijra, que ce soit le ilm, que ce soit al-thabat, que ce soit al-thabat, et par rapport à ahl al-bid'a, wal-kafara, wal-mujrimin, wa ahl al-batil, tu trouves des gros manquements. Limada li anna l'insan, il n'est pas prêt. Celui qui veut être prêt, que ce soit sa salat, que ce soit l'hijra, tu dois faire des efforts avant. Ahl al-dunya, il se prépare rubbama sinin pour une compétition. Sinin. Li annahu, c'est son objectif. Si on prend l'exemple d'un kafir, مثلاً, c'est son objectif. وهو لا يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم الى ان اوبجيكتيف مثلا une compétition والله وعدهم سنين et un sérieux ajib dans la nourriture, dans l'emploi du temps, dans l'entraînement, dans kada. Pourquoi? Parce qu'il veut être prêt pour la compétition. C'est quelque chose de dunya. Rubama il va gagner quelque chose de futile, même s'il lui donne des millions, c'est rien. Lakin, c'est son objectif. فأنت أيها المؤمن, c'est la même chose. الآن الصلاة, il lui faut une préparation. Et يذكرون أن بعض السلف سنين, et des riwayat sahiha, سنين, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils n'ont pas manqué takbiratu al-ihram fil masjid. بل بعضهم أنهم, ils n'ont pas manqué al-adhan fil masjid. Et avant l'adhan, huwa, il est déjà au masjid. Des années, il n'a jamais manqué l'adhan. Il répond al-adhan fil masjid. Ça montre les efforts. Des années, et il ne manque pas takbiratu al-ihram. فهذا المشهد الآن مشهد التقصير. Si nous on se voit par la face et on se remet en question, et notre situation par rapport à haoula, est-ce que j'ai manqué tel salat, est-ce que j'ai manqué tel raka, et ça ne veut pas dire que si on a des faiblesses c'est fini. Là Ibn Qayyim il va nous démontrer, on fait des efforts. Aujourd'hui مثلاً, j'ai manqué une salat au masjid, ça arrive. L'insan ربما يضعف, ربما il est occupé, ربما il a eu des faiblesses. المهم, Inch'Allah, le lendemain, je ne refais plus cette erreur. On se corrige. C'est 6 points. Al-Haqiqa, celui qui les apprend et qui les met en application, ça va lui être utile. Qala, rahmatullah alayhi. Al-mashhadu al-awwal al-ikhlas. C'est le plus important. Li'anna salata la tassih illa bi-ikhlas. La salata n'est pas acceptée indallah si ce n'est pas sincère. si cette salat n'a pas été accomplie sincèrement pour Allah. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمر من الله. أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص. الله لا accepte pas عمل المشركين. Allah il accepte pas une œuvre si elle n'est pas vouée exclusivement pour lui. La in ashrakta la yahbatan 'amaluk. Wa fi al-hadith al-qudsi qala Allah 'azza wa jalla ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk. Faman ashraka ma'i ghayri taraktuhu wa ash-shirka. Hadith il est sahih, sahih Muslim. Taraktuhu wa ash-shirka. Allah c'est aghna ash-shuraka 'an ash-shirk. Allah il a pas besoin d'associer. Allah c'est le Hayy, c'est le Qayyum, c'est le Khaliq. On n'a pas le droit de lui associer une ibadah. Fait celui qui fait cette salat pour Allah et pour un autre, iyadan billah, Allah il le délaisse lui et sa salat. Elle n'est pas acceptée. فهذا الباب باب الإخلاص c'est un bab muhim. C'est ce bab qui fait rentrer vers l'islam et c'est ce bab qui fait sortir vers l'islam. Man haqqaqa. حقق الإخلاص فسي أن مسلم et celui qui contredit الإخلاص بشرك أكبر بكفر عيادا بالله يصار من الإسلام. C'est un باب مهم لابد من تحقيقه. Et on fait attention à rien. لأن ولله الحمد المسلمون quand ils font الصلاة c'est لله. لكن il y a quelque chose de très très grave, c'est الرياء. ربما النية اصلا وفي البدايه سر الله لكن ça peut changer au cours de la salat. فمثلا بعضهم leur salat quand ils sont في المسجد c'est pas la salat, c'est pas la même salat quand ils sont chez eux. لماذا؟ on parle من حيث الحركات والخشوع و la façon de faire, le temps de prendre le temps. في المسجد elle est bien faite وفي البيت elle est bâclée. لماذا؟ c'est un problème dans le cœur. بعضهم عيادا بالله s'il voit quelqu'un من أهل الفضل والعلم والصلاح et il pense qu'il le regarde, il va tout faire pour améliorer sa salat. هذا في الحقيقة الصلاه الآن النية لا changé. C'est ce qu'on appelle الرياء. Ça vient de الرؤية أي واحد في العمل pour être vu et كذلك السمعة pour être entendu. يحسن قراءته. لماذا؟ لأن il y a quelqu'un à côté de lui. Et quand il est tout seul, il bâcle. Ça, c'est une maladie du cœur. هذا المشهد, il est important. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون قال عز وجل الذين هم يراءون. Ça vient de الرياء. قال عز وجل فويل للمصلين. Pourtant, ils font الصلاة. لكن ils ont deux problèmes. Ils sont pas sérieux في الصلاة. كثير من أهل العلم يقولون أن il la retarde de son heure, ils la font pas à l'heure. Allah Azza wa Jalla قال فويلٌ لهؤلاء. Deuxième chose, الرياء يراءون. Ils font salat, لكن pour être vu. Ça nous montre que هذه الصلاة c'est une ibada, on l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui va te donner ça? حقيقة c'est un ضعف الإيمان في العقل. مثلا tu vas améliorer ta salat parce qu'un tel il te regarde, il t'a vu et après. ربما il te regardait même pas, c'est shaitan faqat. Sahih, même si t'as vu, même si on qadr il te complimente et après t'as gagné quoi? En fait cette salat Allah subhanahu wa ta'ala s'il accepte pas, qu'est-ce que t'as gagné akhil karim? On fait attention à l'ibad. Aujourd'hui il te regarde, il va te complimenter, ربما demain il te regarde et il te critique bighayr haqq. Ahlul ilm wal fadl wal salah, si tu veux faire du bien et tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, fatuhibbuhum fillah, tu les aimes fillah. S'ils se trompent, tu les conseilles. Tu les suis fi ta'atillah. Tu les défends s'ils sont critiqués injustement. Amma, on embellit notre salat parce qu'un tel est nos regards. Hada, c'est min dha'f al-iman. Qal ibn al-qayyim rahimahullah. Wa huwa, ay al-ikhlas. An yakun al-hamilu alayha wa da'i ilayha raghbat al-abd fi Allah. Wa mahabbatahu lah. وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره. C'est ça l'ikhlas. Il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son objectif, il sait qu'Allah il aime cette salat. Il fait cette salat, celui qui fait salat sincèrement, Allah yuhibbu. C'est ça qu'il veut. كذلك il sait que si il délaisse la salat, ça met en colère Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste ceux qui délaissent la salat. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ قَالَ عَزَّ وَجَلَ. Ils font salat, mais ils ne sont pas sérieux. Obama, ils font pour se montrer devant les gens. Mais alors, celui qui la délaisse. فَهَذَا الْمُسْلِمُ. Il fait salat, il sait que s'il la délaisse, Obama, Allah, il le châtira. C'est ça, l'ikhlas. أَمَّا الْبَعْضُ. Peut-être que certains, ils ont fait salat, عَيَدًا بِاللَّهِ لِمَاذَا لِأَنَّا ils voulaient se marier. C'est déjà arrivé. Il sait que s'il ne fait pas salat, il ne pourra pas se marier avec cette femme. Obama, il fait salat. Son but, c'est quoi? C'est le mariage. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ مُرَأَةٍ يُنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَ إِلَيْهِ. Al-hijra, c'est مجرد un مثال dans ce hadith. Et c'est valable pour tout. فَالْحَذَرْ. Cette salat, tu as fait des sacrifices pour la faire. Tu prends de ton temps. Tu patientes. Il y a des salats, il faut du sobre. Enfin, on ne doit pas gâcher tout cela avec ces wasawis, avec ces maladies du cœur, arriya. Lien fil haqiqa, tu peux trouver wahid fi salat et un autre kadhalik, les deux ils font les mêmes harakat. Hada l'a accepté, hada l'est pas accepté. Enfin, pourquoi prendre ce temps ila akhri et à la fin elle est pas acceptée? On doit faire des efforts fi hada. Qala bihayth la yakun al ba'ith la 'alayha hadhan min hudud ad dunya. On fait attention que l'objectif, ce ne soit pas quelque chose de dunya. On a donné l'exemple du mariage. Et on peut donner l'exemple. مثلاً واحد, il travaille avec un autre et ce patron, il met comme condition as-salah. C'est un patron, min as-salihin. Il aime le din. Il veut que ses employés font salat. Tu trouves واحد, il veut rester dans ce travail où il veut travailler. Il fait salat. Ça n'y est, c'est pas l'illah. C'est pour ce travail. Ça, c'est très, très grave. قال بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. C'est ça, النية الطيبة. Que ce soit pour الصلاة ou autre. محبة لله عز وجل. On fait ça, لماذا? C'est pas une courville, là. C'est parce qu'on aime Allah سبحانه وتعالى et ça nous rapproche d'Allah. خوفا من عذابه. كذلك, on sait que si on délaisse cette صلاة, ou siyam, ou l'hajj, ou autre min al-ibadat, si c'est une obligation, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra nous châtier, azza wa jalla. Wa raja'an li maghfiratihi wa thawabihi. Kadhalik, on espère la récompense. Hadhihi salat, celui qui meurt ala tawhid, et c'était un musalli, fa il est min ahli al-jannah. Bila shak wa la raib, si c'est un musulman mouhid, il est min ahli al-jannah. Celui qui hafiz ala aqidati, ala tawhidi, ala salati, il est min ahli al-jannah. Enfin, notre objectif quand on fait salat, c'est hada. On sait que cette salat, c'est le chemin qui nous emmènera bi-idhnillahi azza wa jal al-jannah. C'est ça, al-niyya al-saliha. Et en fait, ce genre de kalam, l'an, ça fait monter l'iman, et kadhalik, ça nous permettra de casser cette routine. Et salat tous les jours, 5 fois par jour. Et à cause du travail, et rubama qil wa qal, et rubama difitan, et rubama mukhalatati al-juhal wa ahl al-shar ila akhiri, le cœur est durci, et cette salat, ça devient automatique. Là, on fait attention à hada. Qala, al-mashhadu al-thani, mashhadu al-sidq wa al-nush. Le deuxième point, al-sidq wa al-nush. Al-nush, ça vient de nasiha, conseiller. Et as-sidq, ce mot il est ma'rouf عند الجميع. Aïe la véracité, être véridique. قال وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. C'est ça, as-sidq في الصلاة, être véridique. Et il y a une préparation, il y a une préparation. Cette salat, le qalb doit être prêt. Ne pas faire salat après avoir fait ces choses. Mais la shahawat et dunya, thumma iyadun billah, la salat elle est accomplie. Ça c'est pas minas sidq. Il y a un manque de sincérité fi hadha al-insan. Qala, wa jam'u qalbihi alayha. لماذا لأن si on applique pas هذا et ce قلب il est rempli de hawa ou de shahawat et de shubuhat comme on a vu dans les dorus précédents et كذلك des projets fi dunya ila akhirah beaucoup de choses et on est écarté de notre din, tu auras beaucoup de mal à te concentrer. لماذا لأن الإنسان il est occupé من الصباح إلى الليل. أما واحد qui a donné du temps à cette salat. Ça veut dire quoi donner du temps à salat? أولاً, apprendre comment faire à salat. Sifat au salat. Comment je fais? لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Et ce point, بإذن الله عز وجل, on le détaillera dans المشهد الثالث. مشهد المتابعة. كذلك, apprendre المعاني. Qu'est-ce que tu récites? Tu récites Al-Fatiha. Enfin, s'il n'y a pas une préparation avant, واحد مثلا, il ne donne jamais de temps à apprendre tafsir surat Al-Fatiha. Il ne donne pas du temps. Il est laylan wa naharan fil amal, et dans le sport et dans les fréquentations. Et il fait salat. Enfin, à chaque fois qu'il commence la salat, Allahu Akbar, il n'a pas donné de temps. Ça se répète. Ça devient une routine. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. S'il se pose, et on doit tous se poser ce genre de questions, qu'est-ce que j'ai récité? Qu'est-ce que j'ai compris? Ça veut dire quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça veut dire quoi? Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est min asma illah. Ça veut dire quoi? Ça renferme quoi comme attribut? Il a akhiri. Maliki yawmiddin. C'est quoi yawmiddin? Ce verset, faqat, maliki yawmiddin. Celui qui le comprend, fil haqiqa, ça va lui ouvrir des portes azim. Fil ilm ou fil khushu'. Il y a un jour, on sera tous ressuscités. Il y a un jour, on aura des comptes à rendre. Ce jour, le jugement, ça sera bihaq. لماذا لأن celui qui jugera c'est الملك الديان عز وجل هكذا اهدنا الصراط المستقيم. Ce dua on le fait tous les jours 17 fois par jour, 17 rak'at wajiba, celui qui fait que le wajib 17 fois cette demande اهدنا الصراط المستقيم. Ça veut dire quoi? Tu demandes une chose, si tu ne sais pas cette chose, donc il y aura un problème fil khushu' et tu demandes une chose, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu demandes. C'est pour ça que كثير من الناس ils font ce genre de dua et ils sont pas à la sirat al-mustaqim. بل ils combattent sirat al-mustaqim ليل نهار. كم من الناس disent اهدنا الصراط المستقيم et finissent salat et ربما si tu le conseilles ya fulan ce que tu fais c'est une bid'a, ya fulan tu as délaissé هذا, ربما il se moque, ربما il insulte, ربما il s'énerve. Et dans sa salat il a demandé اهدنا الصراط المستقيم. هذا الاخ il est en train de te montrer sirat al-mustaqim, لماذا t'acceptes pas alors que tu la demandes? Ça contredit l'aql. C'est comme si Wahid te demande donne-moi telle chose et tu veux lui donner, il dit là j'en veux pas. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Lakin, celui qui ne fait pas des efforts fait l'ilm, ربما il se contredit wa huwa la yash'ur. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim. C'est qui haoula? Ba'd an-nas Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayhim, et nous on demande. Donc on veut les suivre. Si on ne sait pas c'est qui, comment tu vas suivre quelqu'un que tu ne sais pas c'est qui, tu ignores. غير المغضوب عليهم كذلك on demande tous les jours à Allah, il nous écarte عن هؤلاء يبعدنا عن طريق هؤلاء. Enfin, ça va impliquer qu'on ne doit pas leur ressembler, qu'on doit pas avoir le même din qu'eux, qu'on doit s'écarter de leur a'mal, de leur comportement il a akhri. Si on ne sait pas c'est qui ولا الظالين كذلك on demande à Allah qu'il nous écarte du chemin de هؤلاء الظالون. Si on ne sait pas c'est qui. C'est pour ça que tu trouves كثير من الناس يرسيتها هذا ثم ربما يقول أن اليهودية سندين حق عيدا بالله أي في الصلاة. Dans sa salat il a dit غير المغضوب أي يا الله écarte-moi du chemin de اليهود. Et tous ceux qui ressemblent à اليهود, ils connaissent le حق et ils n'acceptent pas. C'est هؤلاء المغضوب عليهم. Allah il est en colère contre eux. لماذا لأنهم ils savent et ils n'appliquent pas. Il a récité hadith fi salati. Thumma rubbama ya un congrès, il y a une assise, une assemblée pour wahdatul adyan et c'est le premier à y aller. Il vient de réciter ghayr al-maghdubi alayhim. Je le conseille à ne pas ressembler à un juif, un chrétien, un kafir. Man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Fa rubbama il te dit t'es trop dur. Vous avez inventé, vous avez amené un nouveau din, hada dinun jadid wa hada. Ya akhi, tu viens de réciter غير المغضوب عليهم, qu'Allah t'écarte du chemin de هؤلاء. Et leur aqida, leur comportement, leur apparence, ça englobe tout. Lakin, للأسف. Ça c'est un mythal, quelques versets de Surat Al-Fatiha pour vous montrer, si on ne fait pas attention, les contradictions dans lesquelles on peut tomber. قال, رحمة الله عليه, وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. Ça nous montre أن الصلاة on doit faire des efforts, comme on a dit dans l'apprentissage, صفات الصلاة. Ça sera beaucoup les choses apparentes et les actions des membres et كذلك les paroles avec la langue. Et il faut se mettre debout, il faut réciter le Fatiha. Après, si tu récites une autre surah, thumma tu te prosternes, tu t'inclines, ila akhir. Jusqu'au taslim. Sifat al-salat al-ma'roufa. Kadhalik al-salat laha batin. Tout ce qui est lié au khushu', la sincérité, la concentration, le recueillement, ila akhir. Faut pas négliger les deux. Al-munafiqoun, ils faisaient salat. Ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et robbama yuhsinoun al-qiyam wal-ruku' quand ils étaient avec le nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les madalis, un homme, il faisait pour se montrer et faire croire que c'était des musulmans. As-salat, elle a aucune valeur. Cette salat, elle a aucune valeur indallah. Salat, c'est pas que des harakats. As-salat, laha zahir wa batin. Des harakats avec des convictions. Aqida et amal. Qala, fadahiruha al-af'alu al-mushahadatu wal-aqwalu al-masmu'a. Ça, c'est zahiruha. En apparence. Comme on a cité les invocations, la lecture du Coran, il a akhiré, et al-haraka, la position debout, l'inclinaison, le redressement, il a akhiré. Tout ça, ça doit être en concordance avec sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال بحيث لا يلتفت قلبه عنه بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. Ça montre que celui qui a préparé, qui a fait des efforts dans l'apprentissage, فبإذن الله عز وجل il se détournera pas ni avec son cœur ni avec son regard. كلما il fait des efforts, كلما il sera concentré. قال فهذا بمنزلة الروح لها أي باطنها أي الخشوع والإخلاص c'est بمنزلة الروح. فالصلاة ابن القيم رحمة الله عليه الآن il fait une comparaison طيبة أن الصلاة c'est comme un corps, des paroles, des membres qui se déplacent إلى آخره. Ça, c'est la description comment faire la salat. Et كذلك لها روح. Cette salat, elle a une âme. C'est l'ikhlas, la sincérité, الصدق, la véracité, الخشوع, la concentration. Fais attention, Akhil Karim. On doit tous faire attention que notre salat, ça ne devient pas une salat meyita, morte. Des harakat, faqat. Comme un corps mort qu'on déplace. Là. Est-ce qu'un corps, bila ruh, c'est un corps utile qui va pouvoir se déplacer, qui va pouvoir... Abadan. Fahakada salat, qui n'est pas fondée sur l'ikhlas ou al-sidq ou al-khushu'. Qala, fahada bimanzilati ruh laha wal-af'al bimanzilati al-badan. Donc al-af'al, les actions, la position debout, ruku', sujoud, ila akhiré, c'est bimanzilati al-badan, c'est comme le corps est... الصدق والإخلاص والخشوع c'est الروح, c'est l'âme. قال فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيها, comme un corps sans âme. Si cette salat elle n'a pas هذا الروح, cette âme, et هذا الإخلاص والصدق. قال أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك ولهذا تلف كما يلف الثوب. قال نعم ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها وَيَقْبَلُهَا وَتَقُولْ حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي. هذا c'est fondé sur un hadith, ces dernières paroles qu'on vient de lire d'Ibn al-Qayyim, elles sont basées sur un hadith, لكن il est ضعيف كما قال المحقق في الحاشية. Hadith, il a plusieurs علل, plusieurs causes, et ce hadith il est ضعيف. لكن على كل حال Ibn al-Qayyim رحمة الله عليه il veut nous démontrer أن c'est pas toute salat qui est acceptée. Une salat bila ruh qui est faite que pour les gens, elle n'est pas acceptée. وَتَأَمَّلْ حَالَ الْمُنَافِقِينَ. Ils faisaient salat. بعضهم, ils sortaient في بعض الغزوات avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam.

Il fait le lien entre le cœur et la salat, c'est muhim. Et c'est ça qu'on retire nous de hadith dars. Anna salat, et n'oubliez pas, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il conseille un de ses frères, et il l'a conseillé au départ dans des masa'il muhim, et c'était lié au cœur. On doit préserver ce cœur. La deuxième partie de la risala, ou la fin, c'est sur la salat. L'imada, l'Anna Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, c'est l'importance de cette salat. Il a écrit un livre, il est nafi' jiddan, as-salat. Et ba'duhum, il l'appelle tarku salat. Et d'autres savants, ils l'appellent hukm tarik as-salat. Al-muhim, c'est sur salat. Et fait, l'haqiqa, l'appeler as-salat, c'est akrab. L'imada, l'Anna, il ne traite pas que le sujet de délaisser la salat. Une grosse partie du livre, c'est sur hada, lakin, c'est sur kadalik, des autres points dans la salat. Al-muhim, il a écrit un livre à ce sujet, rahmatullah alayhi. Et il sait l'importance. Man taraka salat al-asr faqad habita amaluhu. Il cite ce genre de hadith. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat fa man tarakaha faqad kafar. C'est amoud din, c'est le pilier de ce din. C'est muhim jiddan. Et inshallah on lira des passages de certains de ces livres. Rahmatullah alayh wa nas'alullah 'azza wa jalla at-tawfiq was-sadad wal-i'ana bi'idhnillah 'azza wa jalla. Jeudi on continue à la lecture de cette risala, et la lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères, rahmatullah alayhi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم اما الحديث قال في الحاشيه اسكي لا سيتي العله. نعم الحديث اي لو dernier qu'on avait lu. نعم وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. اي على فان وتقول حفظك الله كما حفظتني اي الصلاه. الصلاه تقول هذا. الحديث قال ذكره الهيثمي عن انس رضي الله عنه مرفوعا اي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على ضعفه. فست رواية, رواية أنس عند الطبراني فيها عباد بن كثير مجمع على ضعفه, فالحديث ست رواية ضعيفة. ثم إلى ست كذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الحديث كذلك لا يتغطقت عن عبادة رضي الله عنه مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص ابن حكيم وثقه ابن المديني والعجلي. نعم وضعفه جماعة. فلهذا الحديث ضعيف. جرح العلماء الأئمة كي رجت الرواية الأحوص يباسافون توثيق العجلي وكذلك هنا ابن المديني رحمة الله عليه وبقية رجاله موثقون. فالحديث ضعيف. الأحوص ابن حكيم دون رواية حديث عبادة رضي الله عنه وعباد ابن كثير dans la riwaya de hadith Anas radiyallahu anhu. Et tout ça c'est cité dans Al-Hashiyah.